Exercice 1, page 131. A. Fin, 20. B. Refus, revue. C. Faire, vers. D. Neuf, neuve. E. Sauf, sauf. F. Preuve, preuve.